Oui, moi je voulais juste dire que je faisais partie de la population exotique de Plozévet à l'époque, en tant que pensionnaire au collège Georges Le Bail. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir pris les empreintes, mais je n'ai jamais su pourquoi finalement. Donc, depuis après, j'ai lu le livre d'Edgar Morin et compagnie. Donc j'ai découvert après à quoi servaient les études. Et j'avais une question à poser, je ne me souviens plus, sur quelle période ont lieu toutes les enquêtes et combien de chercheurs ont été mobilisés sur le terrain pour faire ces enquêtes? Pour savoir un peu l'importance de. Je dirais une centaine pour à peu près, mais je ne sais pas. Parce que c'est difficile. Si on prend les gens qui ont écrit, etc. Mais il y a des enquêtes qui ont été faites avec énormément de collaborateurs. Par exemple, les enquêtes d'anthropologie. Ils avaient effectivement. Les articles ont été écrits par Lucienne Pélabor-Jacoby ou par le docteur Gomila, mais il y avait au moins une dizaine de personnes qui travaillaient avec eux. Qui étaient des, il y a des même chose dans les études de gérontologie, les études de diététique. C'est pour ça que j'aurais vraiment du mal à le dire. Enfin, c'était quand même très important finalement par rapport à l'échelle de la Ah commune. oui, non, bien sûr, mais. Comme ils n'ont jamais été en même temps, les gens, contrairement à ce que croyaient les chercheurs, n'ont pas eu du tout l'impression d'être envahis par les chercheurs. Et certains n'en entendaient même jamais parler, d'abord parce que c'est une grosse commune, et parce que ces chercheurs, ils travaillaient discrètement, on leur avait demandé de travailler discrètement. Ce qui était souvent, effectivement, plus spectaculaire, c'était les enquêtes d'anthropologie physique, puisqu'il fallait, il y avait d'ailleurs des gens de Plozévet qui aidaient à la prise d'empreintes. Donc, bon, ça se voyait. D'ailleurs, entre nous, je serais incapable de vous dire ce qui est sorti de l'étude des dermatoglyphes. Je crois que c'était une piste. Et alors, on faisait tout un tas de calculs mathématiques, etc. C'est vrai que c'est un indice de transmission héréditaire, mais pas complexe. Il n'y a pas de gène du dermatoglyphe, si vous voulez. C'est pas comme les couleurs des yeux, etc. Donc, il faut dire une chose, soyons honnêtes, que c'était à une époque où l'anthropologie physique, qui avait été une science reine au 19e siècle, la fin avec Broca, etc., était un peu en train de s'essouffler. Et depuis, elle a, entre nous, même très largement disparu. Maintenant, la génétique de population, justement, les découvertes de l'ADN ont un peu bouleversé tout ça. Donc, je serais incapable de vous dire ce qu'ils ont tiré des études de dermatoglyphes. Je sais, en revanche, effectivement, que pour les études anthropométriques, c'est-à-dire taille, mesure, on prend différentes mesures, des mesures de la face, enfin, qui étaient les vieilles, disons, les vieilles méthodes descriptives de l'anthropologie depuis Broca et qui étaient encore utilisées. Celles-là ont donné une étude intéressante quand on a confronté ça à des groupes consanguins et non consanguins. Mais pour tester quelque chose qui est une réalité autant sociale que biologique, ce qui est la paradoxale faible ressemblance des couples héritiers de lignages consanguins. Mais pour les dermatoglyphes, il n'y a rien eu de semblable. Et la période d'étude, ça a été combien de temps? Combien d'années? Quelles années? Difficile à dire. Elle a commencé, je crois, en 62. Officiellement, on pouvait considérer que les enquêtes étaient terminées en 67, mais bon, il y a pas de nouveau, je crois, de nouvelle enquête qui apparaît après 67, mais c'est pour ça que mon livre, lui, n'est paru qu'en 75, parce que j'attendais les autres rapports. Les études, les résultats sont parus beaucoup plus tard. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'une étude de ce type aurait encore un intérêt aujourd'hui? De cette façon, je pense pas, non. Non, mais avec les méthodes modernes dont vous avez évoqué aussi. Bah, voilà, on procéderait autrement. Ouais. On procéderait autrement. Mais ça aurait un intérêt parce que, bon, Plozévet était quand même atypique à l'époque, alors qu'aujourd'hui, elle s'est banalisée. Vous voulez dire quoi? Le côté, le haut niveau de ce bah oui, de parce diplômé? Que c'est vrai que c'était même à l'époque, c'était moins atypique qu'on ne croyait, parce que je ne dis pas que toutes les communes bretonnes ont autant de diplômés que Plozévet, mais on savait que, en réalité, ceux qui s'étaient un peu intéressés, qui connaissaient les statistiques, savaient que le Finistère était déjà une région très surscolarisée. Donc, qu'on poussait beaucoup les enfants à tous les niveaux. Donc, déjà, c'était plutôt un trait proprement breton et finistérien, ou plutôt finistérien, qu'un trait local. Merci.